23-6, observation, politesse. Excuse. Oh, excusez-moi. Ce n'est rien. Ne vous excusez pas, il n'y a pas de quoi. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Je vous demande pardon. Il n'y a pas de mal.